Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Question passé 1 Question passé 1 كم شربت Combien en avez-vous bu? Combien en avez-vous bu? كم اشتغلت? Combien d'heures avez-vous travaillé? Combien de temps avez-vous travaillé? كم كتبت? Avez-vous beaucoup écrit? Avez-vous beaucoup écrit? كيف نمت? Comment avez-vous dormi? Comment avez-vous dormi? كيف نجحت في الامتحان? Comment avez-vous passé l'examen? Comment avez-vous passé l'examen? كيف وجدت الطريق? Comment avez-vous trouvé le chemin? Comment avez-vous trouvé le chemin? مع من تكلمت؟ Avec qui avez-vous parlé? Avec qui avez-vous parlé? مع من تواعدت؟ Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Avec qui Avez-vous fêté votre anniversaire? Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? أين كنت? Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? أين كنت تسكن? Où avez-vous habité? Où avez-vous habité? أين كنت تشتغل? Où Avez-vous travaillé? Où avez-vous travaillé? ماذا نصحت? Qu'avez-vous recommandé? Qu'avez-vous recommandé? ماذا أكلت? Qu'avez-vous mangé? Qu'avez-vous mangé? ما الذي عرفته عن تجربة? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris? كم كانت سرعتك في السير؟ À quelle vitesse avez-vous conduit? À quelle vitesse avez-vous conduit? كم مدة طيرانك؟ Combien de temps avez-vous volé? Combien de temps avez-vous volé? كم الارتفاع؟ الذي قفزته. À quelle hauteur avez-vous sauté? À quelle hauteur avez-vous sauté? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.